Les médias cambodgiens, guinéens et syriens ont traité spécialement la journée du soleil. Le journal Nokor Tom Daily, l'agence de presse AKP, la radio nationale, la radio Apsara, la radio FM 90,5 du Cambodge, le journal Horoya, la radio Renaissance, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, les journaux Al-Bas, Al-Saoura et Tishrin, l'agence de presse Sana, la radio centrale et la télévision centrale de Syrie ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung qui a créé les idées du jeté pour éclairer la voie à suivre par l'humanité. Les journaux cambodgiens et guinéens ont présenté le portrait en sourire du président Kim Il-sung et la télévision centrale de Syrie, les photos montrant ses activités révolutionnaires.